J'avais 17 ans et dans ma chambre j'écoutais l'après-midi toutes les musiques que j'aimais. Et de temps en temps, quand une fille restait chez moi jusqu'à minuit, entre ses bras le temps passait et je lui parlais du ciel bleu de Californie. Elle me regardait et l'on rêvait d'une autre vie avec un disque, une chanson. C'était sur une musique américaine qu'on dansait tous les deux, mes doigts dans ses cheveux. C'était une musique américaine qui nous a fait passer nos plus belles années et tous mes plus beaux souvenirs d'amour et d'amitié. Les jours passés dans la joie ou la peine me reviennent sur une musique américaine. C'était en avril, je m'en souviens, les giboulées tombaient très fort. On marchait sous ton parapluie, je t'accompagnais. Et ce jour-là, tu ne m'as pas laissé dehors. On ne s'est plus quitté depuis. On s'est embrassé, puis on a fermé les rideaux. Toute la soirée, tu t'en souviens, on a passé le disque de Vas Domino. C'était sur une musique américaine qu'on s'aimait tous les deux, mes doigts dans tes cheveux. Années et tous mes plus beaux souvenirs d'amour et d'amitié. Les jours passés dans la joie ou la peine me reviennent sur une musique américaine. C'était sur une musique américaine qu'on s'aimait tous les deux, mes doigts dans tes cheveux. Nos plus belles années et tous mes plus beaux souvenirs d'amour et d'amitié. Les jours passés dans la joie ou la peine me reviennent sur une musique américaine. C'était sur une musique américaine qu'on s'aimait tous les deux, mes doigts dans tes cheveux.